chaise en train de se bercer. Et bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel. Excusez-nous pour ce petit début un petit peu du ras, hein, mais nos studios sont en parfaite rénovation. Et puis on ne fait pas d'omelette sans casser deux, dit-on. Hein. Alors voilà, bon. Et puis on arrive à rétablir tout. Eh bien voilà, la vie est belle. Passez un bon après-midi sur Radio Arc-en-Ciel. Je vous retrouve d'ici très peu de temps. je manquerais bien sûr à ma tâche si je ne vous parlais pas des programmes de l'après-midi sur Radio Arc-en-Ciel. À 17h, pas de lézard. On retrouve La Vie Comme Elle Va, Eliane et Jean-Pierre, ils sont en super forme, hyper motivés, et ils ont plein de choses à partager avec vous. La Vie Comme Elle Va, c'est entre 17h et 18h sur la radio en couleur. C'est le rendez-vous de la musique traditionnelle, le rendez-vous que vous donne Violette. Traditionnelle, la musique à chanter, à danser, la musique d'hier, d'aujourd'hui et celle de demain matin. À 19h, nom d'une pipe, Violette ouvre son agenda des sorties. Et vous allez avoir mal aux gambettes, c'est moi qui vous le dis. Jusqu'à 17h, c'est micro ouvert, l'émission de Valérie, présentée par votre serviteur. Et j'en suis très très heureux. Je vais essayer d'être à la hauteur, de lui trouver des jolies petites chansons françaises, francophones, hein. Et puis du bon jazz aussi. Et puis voilà. On arrivera à 17h, sans encombre, je l'espère bien. Sous la lune, au hasard d'un bivouac, et je compte une à une les étoiles en vrac. Je m'imagine en pur sang devant les grands espaces et la crinière au vent. J'oublie l'homme. Il y a des chants qui me reviennent, de beaux souvenirs d'enfant sage, de beaux souvenirs d'enfant sage. Et je vois passer dans la plaine au galop des chevaux sauvages, des chevaux sauvages. Je rêve encore à des plumes en contemplant la mer, indien longeant l'écume sur sa monture fière. Je m'imagine grimé de peintures arc-en-ciel qu'allumait de la paix, sans étrier, sans sel. Il s'appelle Guillaume Mandrake et l'ami Guillaume est un ami de Radio Arc-en-Ciel. Ça a été, les chevaux sauvages ont été une des premières chansons à être intégrée dans notre automate, notre ami Victor. Eh ouais, Victor a un gros ventre et on y est bien au chaud et on peut ressortir comme ça, au gré des émissions, des petits morceaux. Ni dernier ni premier, n'utilise pas toutes ses capacités. Peut mieux faire d'après son père, c'est ce que pense aussi sa mère. C'est bien mais pas top, assez pour éviter le flop. Français moyen, ça lui va bien, ça suffit pour acheter son pain. On croit qu'il est fainéant, qu'il aime être insignifiant et qu'il manque d'ambition, mais dans le fond, les gens l'envient toute leur vie. Pas l'employé du mois, pas non plus décideur de poids, des sourires à la secrétaire, mais du succès qu'à la cafetière. Devant l'écran d'ordinateur, il attend la pause de 10 heures. Mais pas grand chose à raconter, ses collègues sont des étrangers. On dirait qu'il est transparent, qu'il ne s'intègre pas vraiment, et qu'il manque de conversation. Mais dans le fond, il se balance de ce qu'il pense. Ni dernier ni premier, est noyé dans l'humanité. Il voit le fil des marionnettes, mais qui leur fait tourner la tête. Les dialogues tournent en rond, la forme assure le fond. Chacun est tapis dans son coin, attend que n'arrive pas la fin. La réalité se teurt, elle est rognée sur les bords. Elle manque d'émotion, mais dans le fond, les rêves ont peur, ils s'évaporent. Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien, qui tendre la main si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos. Enchanté. Qui pourrait m'empêcher de tout entendre quand la raison s'effondre? À quel saint se vouer qui peut prétendre bercer dans son ventre? Si la mort est un mystère, la vie n'a rien de temps. Si le ciel a un enfer, le ciel peut bien m'attendre. Dis-moi, dans ces vents contraires, comment s'y prendre? Rien n'a de sens. À côté, tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée. chanté, désenchanté. Apprennent vite comment survivre au milieu hostile, au chaos, qu'ils sachent chasser la nuit, recueillir l'eau de pluie à toutes fins utiles, au chaos. J'aimerais que mes enfants sachent parfaitement suivre une piste à la trace, au chaos. Comment l'on se protège d'une tempête de neige en creusant dans la glace. Et si vous trouvez que je leur en demande peut-être beaucoup, c'est juste au cas où l'on ait des raisons de dire que le futur est proche. Au cas où l'on verrait l'avenir clair comme de l'huile de roche. Comme ça se réchauffe un peu. Comme ça se réchauffe un peu. Au cas où j'aimerais que mes enfants fassent peu de sentiments envers leur prochain, au cas où viennent les temps barbares nourris au désespoir des émeutes de la faim, au cas où j'aimerais que mes enfants s'habituent dès maintenant à manger des racines, au cas où l'on doit se contenter de ne rien voir pousser que dans des champs de ruines. Et si vous trouvez que je leur en demande peut-être beaucoup, c'est juste au cas où l'on ait des raisons de dire que le futur est proche. Au cas où l'on verrait l'avenir clair comme de l'huile de roche. Comme ça se réchauffe un peu. Comme ça se réchauffe un peu. Évidemment, j'aurais préféré aider mon petit gars à traverser des montagnes de champs de fleurs et jouer pour rire à se faire peur. Évidemment, j'aurais bien aimé ne pas avoir à y penser. Mais c'est juste au cas où. C'était Volo sur Arc-en-Ciel. Demain matin, vous allez retrouver Argemiro et certainement, je le parierai, il va vous passer Roy Veloso. Ah, c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai été fouillé dans ses affaires. La Voix du Portugal, jeudi, 9h midi, c'est avec Argemiro. Un homme estava sentado à sombra de uma zinheira. Quando ouviu na ramagem uma ave cantadeira, lançada em cantorias, sem mensagem, sem destino, ou talvez cantasse ao sol que subia mesmo a pino. O homem era caçador, cansado do seu caçar, tocado pela cantoria, deu em querer cantar. Subia a malha dos tempos e não havia canções. Não havia canções. Não havia canções. Desde então na azinheira sentou-se o caçador, a ouvir a cantadeira e a sonhar-se cantador. E assim o caçador foi usando a sua clave, foi abrindo a sua alma e caçou a alma da ave. Levou-a para a caverna, estudou ao pormenor, e de trinado em trinado descobriu o dom maior. mercador e camponês, foi trovador e guerreiro, cantou o amor cortês. De Gregório até Sinatra, tornou-se voz apurada, da caverna até o casino fez-se uma ave dourada. Que voa no céu de Scala, e no Royal Albert Hall, sobre campos de algodão e urbes de rock and roll. É uma via dos tempos e ainda se inventam canções. Ainda se inventam canções. Ainda se inventam canções. Par respect pour la si jolie langue portugaise que nous aimons, eh bien, je ne prononcerai pas le titre, mais c'était bien Rui Veloso, et ça, j'adore. Pour la suite, pas de problème, c'est demain, à partir de 9h, avec Arge Miro, bande de petits vénards. Sure, I love and I'll be weak. If I let him come into my life, or he'll settle down and he'll take the crown and he'll say, oh, mine. Tell me where to stand. Tell me how I have to behave. If I wanna go for a walk, he'll wanna know with whom and why. And I'll try all my life to suit his temper, for I love him, I cherish him, and I care for him. Now I'm free, and I wanna remain free. Or he'll settle down and he'll take the crown and he'll say, you're mine. No, no, no, you'll settle down. Or he'll settle down and he'll take the crown and he'll say, some kind of stranger man. Eh bien, oui, oui, oui, c'est bien Anita Farmin, amie, elle aussi, de Radio Arc-en-Ciel. Elle est venue souvent nous voir, elle est venue voir Manu dans The Rock, elle est venue voir Mavrika, Albino. C'est toujours un plaisir de la recevoir, car c'est une fille de grand, grand talent. Si, si. clé, sans faire d'histoire, sans problème. C'est pas que j'aime pas conduire bourré, mais tu dis qu'il vaut mieux rentrer entier qu'à moitié soi-même. Et moi, j'aime bien t'écouter. Je t'ai laissé régler le siège et le rétro à ta taille. J'ai un verre à la main que je termine tranquille à la paille. Je t'ai déjà dit à jeun qu'au volant t'as plus tôt la classe. Marque ton stop, que je t'embrasse. Pourquoi ils nous mettent autant de panneaux sous les yeux? J'avais jamais remarqué avant. Je fais pas de commentaires, je dis juste accélère un peu. Comme s'il y avait personne devant. Vas-y Bonnie, fais-nous faire quelques tours de rond-point. Vas-y, klaxonne un coup pendant que je fais un fuck au voisin. Ok, je fous la paix aux essuie-cigares à l'allume-glace. Marque ton stop, que je t'embrasse. Elle doit bien faire 2x5 watts. J'allume la radio au hasard de la bande FM. De toute façon, tous les chanteurs français seront géniaux. Avec ce que j'ai dans les veines, c'est nous, Thelma et Louise. Et la lune est claire, la nuit est rousse. Vas-y, fais-nous du 220, tout feu éteint dans la cambrousse. Si on croise un radar, on prépare nos plus belles grimaces. Marque ton stop, que je t'embrasse. Y'a tes doigts de fille agiles qui passent les vitesses, et ta ceinture qui dessine une petite route entre tes seins et jusqu'à tes fesses. Bientôt le voyage se termine. Tant mieux qu'on n'ait pas fait voler la poussière. J'ai une dernière idée, c'est qu'on aille en boire une dernière. Merci d'avoir fait gaffe aux fous dangereux qui roulent en face. Marque ton stop, que je t'embrasse. Marque ton stop, que je t'embrasse. Marque ton stop. Il n'est pas très raisonnable, l'ami Benoît Dorimus, mais il a tellement de talent. Allez, rentrez les amis, rentrez vite chez vous et prudemment. Après la pluie vient toujours, toujours le beau temps, cette philosophie forge mon tempérament. Je ne suis pas de ceux qui se désespèrent, non pas de ceux que la vie indiffère. Curieux de tout, de rien, je veux aller de l'avant, prendre la vie comme un jeu, vivre assez longtemps pour voir, savoir jusqu'où la vie me mène, confiant et heureux, au fond ce que je suis vraiment. Y'a pas de raison, y'a pas de raison, pas plus d'âge que de saison, pour ne pas essayer quand même de vivre pour de bon. Y'a pas de raison, y'a pas de raison, pas plus d'âge que de saison, pour ne pas essayer quand même. C'est le même et pourtant, être différent, mature, un peu bohème sans oublier l'enfant que j'étais et qui souvent me rappelle combien est important de rester fidèle à mes rêves, mes idéaux qui

sympa. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes. Légumes toujours pas poussé. Moi j'ai planté agrumes. Agrumes toujours pas poussé. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté concombre. Concombre ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre. À l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc. Manioc toujours pas poussé. Toujours pas poussé. Moi j'ai planté tapioc. Tapioc toujours pas poussé. Toujours pas poussé. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté canard. Canard sucre ça pousse pas. Alors moi j'ai planté des nanas. Des tas. La nana ça pousse pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté ganja. Ganja ça pousse comme ça. Eh ben voyons donc, ben bien sûr. C'est vrai ça. Ah, les problèmes de jardinage. Hein. À 18h, ce sera Violette et traditionnelle. Et à 17h, La vie comme elle va avec Eliane et Jean-Pierre. Bon après-midi à tous, vous êtes sur Arc-en-Ciel. Que soit la manière, même si c'est maladroit, même si on sait pas faire, l'autre nous apprendra. Que ce soit une prière ou un acte de foi, du moment qu'on espère et qu'on donne ce qu'on a, on a toujours raison d'aimer, on a toujours raison. On a toujours raison d'aimer. Encore plus fort encore. Si d'avoir trop souffert, on ne compte plus les fois. Si revenir de l'enfer, c'est revenir de soi. Regarder en arrière ne nous avancera pas. Si on veut voir la mer, si on veut qu'elle nous voit, on a toujours raison d'aimer, on a toujours raison de vivre, on a toujours raison d'aimer, encore plus fort encore. Na, na, na, na. Ce monde de fous après nous, jusqu'au bout, il n'y aura jamais plus d'amour du tout. Il n'y aura jamais, non, jamais plus d'amour en nous. On a toujours raison d'aimer, on a toujours raison de vivre. très jolie chanson de Monsieur Florent Pagny. Pas étonnant, me direz-vous. C'est la classe, Florent. Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et les dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin les Anglis et Rouen derrière et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Au bord du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fanion Bannière, plaisir et souffrance, entre les barrières passe le Tour de France. La gloire a des chemins durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre des trucs. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Si c'est encore loin,

froid, je craque et je m'angoisse. J'ai plus qu'à croiser les doigts, faire face à la menace. Je perds le contrôle, je plonge et je dérape. Il y a l'hystérie qui me frôle, la folie qui m'attrape. J'imaginerai toujours, toujours le pire. Je préfère vous prévenir que de guérir. Pour un coup de vin, je crie au loup. À chaque tournant, je crie. La chute de tension, la descente aux enfers. Je perds les pédales, je sombre et j'entre en guerre. Il y a mon petit cœur qui s'emballe et la gorge qui me serre. J'envisagerai toujours, toujours le pire. C'est pas pour vous, mais moi, je peux souffrir. Pour un coup de vent, je crie au loup. À chaque tournant, je crie au loup. Trop noir ou trop blanc, je crie au loup. Pour un air méchant. Même cette chanson pourrait mal se finir. Cherchais celle que j'ai toujours rêvé. Et si tu ne me laisses qu'une chance, t'assure tu ne vas pas te tromper. Si je te prends avec moi, c'est pour ne plus te ramener. Et oh, c'est pour ne plus te ramener. Et oh, j't'assure tu ne vas pas te tromper. Et oh, c'est pour ne plus te ramener. Si je te prends avec moi, tu ne voudras pas t'échapper. Tu ne voudras pas t'échapper. Sous mon emprise, tous tes sens sont décontrôlés. Dès que je m'approche, toi tu commences à t'affoler. Et si je me colle, la chaleur ne fait que monter. Dès le moment que se croisent nos regards, dans la tête tu perçois déjà que c'est un signe de départ. Tu t'approches avec des airs de léopard. Et va t'accourir me mordre comme si c'était le dernier soir. Y siento que yo no puedo resistirlo. Que esa mujer es fatal, que no es normal. Suavecito me voy a ver.